Alors, nous revenons à Futur Simple et après avoir mis les pieds dans l'eau dans les océans autour du Canada, on va maintenant lever notre regard vers la Lune. J'accueille pour cela notre chroniqueuse Mélanie Jean qui va nous expliquer comment la Lune s'est formée. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Alors, elle accompagne l'homme depuis le tout début. Peu importe où nous sommes sur la Terre, si on lève les yeux au ciel, nous l'apercevons. En fait, ça dépend toujours un petit peu du temps. Il faut pas qu'elle soit sous l'horizon, bien entendu. Alors, la Lune est notre fidèle compagnon, en fait, est le fidèle compagnon de notre planète. Mais comment, en fait, celle-ci s'est-elle formée? Oui, ça, c'est une question qui est très fascinante. Et après la chronique que j'ai faite la semaine dernière sur l'origine de l'eau sur Terre, j'avais envie de continuer dans cette lignée astronomique-là pour parler de la formation de notre plus proche voisine céleste, la Lune. Mm-hmm. La Lune est vraiment fascinante parce qu'elle est à mon côté depuis le début de l'histoire humaine et de celle de la Terre aussi. C'est l'objet, en fait, le plus brillant qu'on peut observer dans le ciel après le Soleil. Et la structure et l'origine de la Lune, c'est des sujets de débats acharnés pour les astrogéologues depuis plusieurs années. Et l'une des théories principales affirmerait que la Lune se serait créée il y a environ 4,5 milliards d'années en étant arrachée à la Terre lors d'une forte collision avec celle-ci et un objet spatial d'une taille assez importante. Mais il existe aussi d'autres théories. Il existe au moins trois autres qui peuvent tenter d'expliquer la formation de la Lune, et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. OK, alors la première hypothèse est celle de la formation par fission de la Terre. Oui, ça c'est la première théorie que je vous présente, c'est qu'en fait la Lune se serait séparée de la Terre au début de l'existence de celle-ci. Notre satellite serait donc un morceau du manteau terrestre de notre Terre qui est en orbite autour de celle-ci. Et un des principaux arguments est que, pour prouver cette théorie, ouais, c'était que la densité lunaire est égale à celle du manteau externe de notre planète. OK. Quand on parle de densité lunaire, c'est vraiment le poids par unité de volume. Je pense que c'est ça, oui. C'est ça, exactement. Et cette théorie-là a été proposée en 1880, donc ça date quand même de longtemps, par un astronome qui s'appelle George Darwin. Et la théorie de fission, selon lui, permet d'expliquer la similitude d'âge entre la Terre et la Lune. Et la formation du noyau terrestre aurait accéléré la vitesse de rotation de la Terre. La force centrifuge aurait étiré la Terre au niveau de la zone équatoriale. Il se serait formé une sorte de bourrelet de matière qui se serait formé et puis qui aurait fini par se détacher de la Terre. La Lune serait ainsi formée, se serait éloignée un peu de la Terre jusqu'à son orbite actuelle. Mais cette formation aurait demandé à la Terre d'être, on peut dire, très fluide, uh-huh, et de tourner sur elle-même en 2h30 au lieu de 24h. Uh-huh. Donc, les jours étaient courts à l'époque. Oui. Et depuis, la composition chimique de la Lune est différente de celle de l'écorce du manteau terrestre. Donc, cette théorie-là est plus ou moins acceptée. OK. Alors, ça, c'était la première théorie. Maintenant, la deuxième propose la formation de la Terre en orbite terrestre. En fait, c'est ça. Oui, une formation en orbite terrestre, c'est une théorie qui a été avancée dans les années 60 par un astrophysicien soviétique. Selon cette théorie, la Lune se serait formée en même temps que la Terre et à proximité de celle-ci par condensation de particules qui provenaient du nuage de particules qui étaient présents au début de l'histoire de notre système solaire. Avant que les planètes soient complètement formées, ben, le système solaire était composé d'énormément de poussière et d'amas rocheux, ouais, qui finissent par se condenser pour former des planètes. Donc, on pense que, selon cette théorie, ça se serait formé de ce nuage de poussière-là. Et la Lune se serait formée en même temps que la Terre, soit à peu près il y a 4,6 milliards d'années, et à partir de débris qui gravitaient autour de la Terre. Et ce serait donc retrouvé naturellement en orbite autour de notre planète. Cette théorie se heurte cependant à la différence de composition entre la Terre et la Lune. Et aucune autre planète telle que Mercure, Vénus ou Mars ne possède un satellite qui est comparable à la Lune. Uh-huh. Donc, la formation en orbite terrestre n'est pas une théorie qui est très acceptée aujourd'hui. OK. Alors maintenant, la troisième hypothèse ou théorie, si on peut dire, met de l'avant sa formation loin de la Terre. Oui, qu'on appelle aussi la capture gravitationnelle. Ah, oui. Oui. C'est une théorie qui est un petit peu plus ancienne que la précédente, qui est née en 1955. C'est une théorie qui a été avancée pour expliquer qu'un corps serait venu de très loin. La Lune serait née, en fait, dans une autre région que le système solaire. Elle se serait approchée suffisamment près de la Terre pour être capturée par son champ d'attraction. Cette théorie permet d'expliquer les différences de composition entre la Terre et la Lune, si elle vient d'une autre région du système solaire. On peut expliquer ça par ça. Mais ça fait appel à des conditions qui sont fortement improbables pour justifier une rencontre. Parce qu'il faut vraiment, on pourrait dire, un très gros coup de chance pour que ça se produise. Oui, une rencontre du troisième type. Presque. Et puis la quatrième hypothèse est celle de l'impact planétaire. Oui, celle-ci est probablement la théorie qui se tient le plus et pour laquelle les scientifiques adhèrent en forte majorité. Okay. Ça a été formulé en 1975 et c'est, comme je le dis, la plus acceptée aujourd'hui. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre a été percutée par une planète qui est environ de la taille de Mars, projetant dans l'espace des fragments de la planète et du manteau externe de la Terre. Donc, la Lune serait née de cette collision entre la Terre primitive et un corps céleste, alors que la Terre est en train de finir de se former. Est-ce que des astéroïdes se seraient formés aussi, en fait, lors de cet événement-là? Ou... je ne pourrais pas avancer là-dessus, là, mais en fait, ce qui est intéressant avec cette théorie-là, c'est que là, on parle d'impact planétaire, puis on peut se dire, ben, pourquoi la Terre n'a pas été détruite? Oui, ce qui est important, c'est qu'il faut considérer que ça a été frappé avec un angle qui n'est pas droit. Donc là, ça l'a frôlé, mais ça l'est arrivé de manière de biais, c'est ça? Donc là, ça n'a pas fait un impact qui a fait exploser la Terre. Okay. Tout ça a été même modélisé par l'informatique et c'est une théorie qui se tient très bien. Les débris se seraient dispersés en anneaux autour de la Terre, puis ça serait fini par s'agglomérer progressivement et ce qui aurait formé la Lune. Donc, cette théorie permet d'expliquer les différentes encore de composition qu'on retrouve entre la Terre et la Lune, et cette dernière étant formée des matériaux de la Terre et de cette espèce de planète qu'on pourrait surnommer une météorite qui l'a frappée. Et comme je disais, l'impact a eu lieu il y a vraiment très longtemps, là, il y a 4,5 milliards d'années, on remonte à la naissance de la Terre, pratiquement. Là. Et comme je le disais, là, c'est l'angle qui est vraiment important, parce que la collision, là, quand c'est survenu, l'angle était oblique. Donc, okay. Donc ça a empêché l'explosion de la Terre. C'est ça. La Terre n'a pas explosé, mais l'objet impacteur, lui, s'est dégradé et c'est comme répandu tout autour de la planète. Okay. Et c'est en s'agglomérant que ça a formé la Lune. C'est ça. Les débris formaient comme un disque, pratiquement un peu comme... on pourrait l'imaginer, là, la ceinture d'astéroïdes, mais là, c'est une échelle beaucoup plus grosse. Ouais, ouais. Et en un laps de temps vraiment pas très long, à peine plus long qu'une vie humaine, ben là, ces débris se sont constitués pour former la Lune. Et si l'objet avait frappé la Terre d'un angle plus droit, par exemple, notre planète aurait peut-être pas survécu, elle aurait probablement été pulvérisée et on serait pas là aujourd'hui pour en parler. Donc, la provenance de cet objet qui est venu percuter la Terre, ça on ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais après des années de recherche sur les roches lunaires, cette théorie est actuellement celle qui est la plus communément acceptée. Et aujourd'hui encore, la Lune est loin d'avoir livré tous ses mystères. On vient de faire, dans les dernières années, des découvertes très importantes concernant notre unique satellite naturel. Il semblerait qu'il y aurait de l'eau sur la Lune et que on avait des théories là-dessus, on n'avait pas de preuves, là, mais maintenant, on a vraiment la preuve que c'est vrai. En fait, bien que la Lune ne possède pas d'atmosphère, bien, il y a des récentes observations qui ont été effectuées par la sonde Clémentine, qui a été lancée il y a vraiment très longtemps, en 94, qui laissait supposer qu'il y aurait pu y avoir de l'eau sous forme de glace dans certaines régions de la Lune, dont les cratères. Et on pensait aussi au pôle de la Lune qui serait sensiblement des endroits où on pourrait trouver de l'eau. Uh-huh. Et donc, en 2009, ben là, on a eu une preuve qu'il y avait bel et bien de l'eau sur la Lune. Et la preuve tant attendue, la présence de l'eau sur la Lune, c'est construite en trois temps. Okay. Dans les premières semaines de janvier 2009, ben, la sonde spatiale indienne Chandrayaan 1 a détecté des signaux attestant la présence d'eau à la surface de la Lune. Et quelques mois plus tard, en juillet, il y a eu une équipe internationale d'environ 30 scientifiques qui a analysé les données recueillies par la sonde Expoti et Cassini-Huygens. Et les résultats sont très éloquents. Non seulement il y a de l'eau sur la surface, mais il y en a pratiquement partout. Et ça, c'était très surprenant. Et le 13 novembre de la même année, la NASA dévoile les résultats de la mission L-CROSS, c'est pour Lunar Crater Observation and Sensing Satellite. Il s'agissait de précipiter une espèce de fusée qui allait faire un cratère pour pouvoir creuser, en fait, dans le sol lunaire. Uh-huh. Et là, on a envoyé des sondes et on a découvert la présence d'eau. Et on parle pas de quelques gouttelettes, là, c'est des dizaines de litres dans ce cratère-là, là, qui avait 25 mètres de profondeur. Okay. Évidemment, là, cette eau-là n'est pas liquide. Oui, j'imagine. Elle est solide. C'est ça, elle est sous forme de glace. Bien qu'au soleil, elle doit se gazéifier, j'imagine, elle doit passer sous forme de vapeur. Parce que... Je sais pas, ça dépend à quelle température, ouais. Mais il fait très froid sur la Lune, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère. Je ne sais même pas si... Du côté exposé au soleil, il fait souvent aussi très chaud. Oui, mais j'aurais, en tout cas... Tendance à penser qu'elle était... Ça reste... Oui, d'après moi, je ne suis pas une experte, par exemple, en astrophysique et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il va faire peut-être pas assez chaud pour que ça chauffe. On vérifiera ça éventuellement. Oui. Et là, cette découverte-là a vraiment motivé beaucoup de scientifiques et ça les encourage d'ailleurs à un projet de construction de base lunaire pour l'avenir. Et ça, on parle d'un investissement très important. Et même s'il s'agit pas, qu'il s'agit pardon des premiers résultats, là, cette trouvaille là, est vraiment qualifiée de majeure là, par la NASA. C'est vraiment très important parce que là, grâce à cette découverte-là, ben on lève le voile sur un autre des mystères de notre plus proche voisin et du même coup aussi sur le système solaire. Parce que là, 40 ans après les missions Apollo, dont la fameuse mission de 1969 qui a permis à l'homme de poser le pied sur la Lune, mais cette découverte-là, ça conforte la NASA pour la reprise d'autres explorations lunaires. Mais malheureusement, ça ne sera pas avant l'horizon de 2020, donc il va falloir être vraiment très, très patient. Et ce ne seront pas peut-être les Américains, car les Chinois aussi ont l'ambition d'y aller. Oui, c'est vrai, ils lancent des missions de plus en plus dans l'espace. Uh-huh. Ils vont peut-être devancer les Américains. C'est un fait. Alors, merci beaucoup, Mélanie, pour cette synthèse sur l'origine de notre satellite. Alors, on va faire une petite pause musicale sur CKL 89,1 et on revient pour vous parler du radon.